présage. Perdu dans les méandres d'une lointaine forêt de palissandre, clarissandre, triste cassandre, né d'un passé de cendre, à l'aide appelle l'ange Léandre, frère sauveur, âme sœur, seul présent en son cœur. Des nuages, sans descendre, à sa mère autrefois son prénom il souffla, mais la protection du divin scaphandre il oublia. D'un mauvais présage, l'âme de l'enfant se voila. Dans sa main, le sombre destin se grava. À ses yeux, la fatale vérité se révéla. À son oreille, épouvante et assourdissante, l'épouvante du funeste futur résonna. Dans l'inconscient incandescent, l'aveu indécent à jamais s'enracina. Blessé dès la naissance, de la conscience en perpétuelle convalescence, surgissent les étranges et vanescentes ou fulgurantes réminiscences d'un passé révolu, dont aucun n'eût voulu, mêlé à la prescience glaçante et effarante d'un avenir que personne ne voudrait subir, s'il était possible de fuir. Parfois acide, souvent placide, toujours lucide, mutine ou chagrine, méfiante et défiante, mais en son ciel confiante. Confidence pour confidence, à tout prendre, sans attendre, sans se méprendre, ni se pendre, en silence, sans esclandre. Clarissandre sait, pense ses plaies, accepte et se tait.